différence entre un événement qui est de type solaire et la vraie initiation solaire? Est-elle seulement une préparation de moindre niveau énergétique? L'événement solaire s'adresse exclusivement à l'individu qui est assujetti à être protégé par une personne qui vit une initiation solaire ou s'adresse exclusivement à un individu qui a le potentiel de commencer son initiation solaire. Alors, de temps en temps, l'individu est amené à vivre un événement solaire juste pour habituer son ego, son âme, qu'une vie et qu'une évolution sans souffrance, ça se peut. Des personnes qui ont fait le séminaire, qui, à un moment donné, ont pu venir me conter un peu ce qui s'était passé. Des choses extrêmement bizarres, suspectes, qu'on pourrait dire, qui sont typiques d'une initiation solaire. Entre exemples, eh bien, on pourrait simplement observer l'individu qui décide simplement de prendre son automobile, puis elle s'en va, et puis qu'elle est plus loin, à un moment donné, quelque part sur l'autoroute, elle a une crevaison. Et en même temps qu'elle a sa crevaison, il y a une sortie d'autoroute, alors elle sort, elle arrive en bas, elle est dimanche soir. Et puis, elle arrive à un garage qui est juste à la sortie, bien, le garage, le gars est en train de fermer, mais le gars va dire, ah, ben c'est pas grave, OK, bon, on va vous la changer. C'est un événement solaire. Ça fait partie de celui qui est en train de vivre l'initiation, mais en même temps, il est testé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, bien souvent, à l'insu de votre âme, et lorsque c'est l'âme qui habite le corps, eh bien là, je pourrais dire, vous, bien souvent, à votre insu, dans deux paliers différents, hein, si c'est à l'esprit que je parle, eh bien à l'insu de votre âme, si c'est à l'âme que je parle, bien à votre insu, voilà. Vous préparez des tests, c'est-à-dire que vous devez vérifier votre degré d'anégoïsation. Pourquoi? Plus l'être humain se prend au sérieux, plus l'être humain est convaincu que c'est lui qui accomplira tout. Quand je parle de l'être humain, je parle en réalité de ce qui est assujetti à l'évolution de l'animal humain. Plus l'âme se prend au sérieux, plus l'âme décide que c'est elle qui accomplit les choses, plus l'âme décide qu'elle a un libre arbitre, plus il y a de l'ego. Et plus il y a de l'ego, plus vous êtes égoïque. Plus l'homme est égoïque, moins l'intelligence peut descendre chez lui. Intelligence qui a du cœur. Le cœur, c'est ce qui suit. Ça commence par l'intelligence. Pourquoi? Pour la simple raison que chaque fois que quelque chose d'intelligent arrive chez vous, eh bien, l'ego, si l'ego est trop puissant, si l'humain n'est pas assez anégoïque, on disait humble dans l'Antiquité, si l'humain n'est pas assez anégoïque, eh bien, immédiatement, il rentre en lutte contre l'esprit, contre l'intelligence, et il coupe le contact. Mais dernièrement, il y a une personne qui me contait son expérience, elle s'en allait, puis finalement, elle a pris le champ. Alors, dans son automobile, bien là, je lui demande, comment tu as vécu ça? T'as-tu chiolé? Ben non, c'était pas chiolé. Elle me dit, non, je me suis trouvé niaiseux, mais c'est tout. Parfait. Alors, elle est sortie de son automobile, elle est allée sur le bord du chemin, puis elle a arrêté un automobile qui passait, c'était un towing. Fait qu'il l'a ramassé, il l'a mis sous le chemin. Bon. Ça, c'est un événement solaire. Par contre, chiale pendant 30 secondes, le towing passe. Après ça, sort, puis là, c'est des automobiles qui s'en viennent. Et même s'il arrête, ça complique toute la chose au complet. C'est un test. Un test que l'humain peut se donner ou un test que l'intelligence va donner à l'humain, dépendant du palier. Si c'est l'âme, c'est un test que l'intelligence lui donne. Puis si c'est la partie spiritique qui travaille chez l'homme, donc si on est conscient de ce que nous sommes. Puis sans que ça nous dérange. Si l'être humain se dit, bien là, moi, je viens de découvrir que j'étais puissant. Ça, c'est l'ego qui vient de découvrir ça, là. Il n'est pas puissant avant tout. Là. Il est carrément fait. Il va vivre de l'initiation lunaire. Il va apprendre à se casser la gueule. Yes, c'est ça, il y a des subtilités intéressantes. L'événement solaire, c'est un événement qui arrive à celui qui est chapeauté. Moi, j'étais au Pérou, j'étais au Guatemala, j'étais faire différentes choses avec différents êtres humains. Et nécessairement, il ne peut rien leur arriver. Pas parce que c'est moi, parce que c'est comme ça. Et c'est intelligent que ce soit comme ça. Alors, à un moment donné, on était à 20 quelques mille pieds d'altitude. On arrive dans une ville qui est intéressante parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a une mine construite en plein milieu de la ville, et chaque fois qu'on agrandit la mine, on défait les maisons sur le toit et on les rebâtit en arrière. Fait que c'est toutes des chiottes, les maisons. Et puis il pleut à verse, il fait froid, il fait 0 degré, c'est à 22 000 pieds, il manque d'oxygène. On est 4 personnages, on est 2 équipes séparées parce que c'était convenu d'avance qu'on était en équipe de 2. Si une équipe avait des problèmes, il fallait qu'elle se démerde avec ses problèmes, l'autre ne restait pas là. Ça permettait de préserver les équipes. Parce que si, au niveau des contingences astrales, ils ont intérêt à ce qu'on ne fasse pas le travail qu'on allait faire dans l'Amazonie, eh bien, nécessairement, si une équipe a des problèmes, puis les deux autres équipes, on était 3 équipes, s'en occupent, c'est arrêté. Si on dit aux individus, ben si votre équipe est en train de s'en aller, ben qu'elle s'en aille. Si elle est en train de mourir, ben qu'elle meurt. On continue pareil. Nécessairement, ça protège les équipes parce que là, il n'y a aucune raison intelligente d'attaquer une équipe en particulier. Ça n'empêchera pas les autres d'avancer. On est à Stello de Pasco, et puis il pleut, et puis moi je dis à deux, à l'autre équipe, d'aller se promener, de nous trouver un hôtel ou un taxi. Et Collectivos, parce que là-bas, on embarque en troupeau, on embarque 15-20, avec les sacs à dos, on se tape dessus, les portes s'ouvrent, on tombe. Puis quand ils t'amènent, ben là, ils en débarquent, ils en prennent deux, puis finalement, tu fais le tour de toute l'agglomération au complet. Des fois, tu repasses même par l'endroit où tu t'as ramassé, t'es pas encore débarqué. Bon. Alors, je les envoie donc chercher quelque chose, et puis finalement, moi et mon ami, on s'en va, on prend un taxi, puis on se ramasse dans un, j'appelle ça un hôtel. Parce que quand on arrive là, le tenancier est en train de se battre, faut attendre qu'il ait fini. Finalement, ils nous fournissent une chambre avec trois lits, faut payer pour trois, même si on est deux. La clé barre rien, fait qu'on met les meubles en avant, puis on prépare une sortie en cas d'urgence, parce que l'hôtel, ben c'est un peu comme dans les films américains, c'est le haut d'une montagne noire, puis il n'y a aucune maison autour. Et puis finalement, on mange nos peanuts. On avait des noix avec nous autres, on connecte la grosse chaufferette dans le 220, et puis là, ben, elle a fini de brûler l'oxygène qui reste dans la chambre. Et puis finalement, ben moi, je sais que les deux zigotos, ils vont se ramasser dans la même hôtel et dans la même chambre que nous autres. Mais dans combien de temps, ça dépend de leur résistance. Résistance orgueilleuse. Alors, il y a un événement solaire qui arrive, ils se font entourer, les policiers leur disent qu'il y a un boss qui passe dans une demi-heure à telle place pour aller à l'endroit où on devait aller. Quand ils vont là, une demi-heure après, il n'y a rien. Les policiers leur disent « Non, non, c'est là-bas, dans une heure. » Les citoyens leur disent « Non, c'était hier. Non, c'est demain. Non, c'est là. Oui, c'est là-bas. » Puis là, après quelques heures de charriage comme ça, ils finissent par accepter d'écouter des enfants. Et les enfants leur avaient dit depuis déjà un bon bout de temps qu'il y a des gringos qui étaient passés par là-bas. Puis finalement, ils finissent par se dire « Bon, maintenant qu'à Moser ici, on va suivre les enfants. » Les enfants les ont emmenés à la place qu'on a pris le taxi. Puis le taxi là-bas, il n'a pas 150. Fait que le gars savait où il nous avait amenés. Ils sont ramassés dans le même hôtel que nous autres, dans la même chambre que nous autres. Ils sont tombés tous les deux dans le même lit, le seul lit. Le lendemain, il a fallu payer pour quatre, parce qu'on était quatre dans trois lits. Mais ça, c'est intéressant. Et il ne peut rien leur arriver. C'est un événement qui est aussi solaire. Donc, l'individu est soit en phase de pouvoir naître en tant qu'être humain, c'est essayer de vivre l'évolution de l'animal humain. Je répète, l'homme n'est pas un animal, mais il vit assujetti à des lois typique de l'animal. Lorsque les crapauds évoluent, lorsque les papillons mutent, en Angleterre, on a une espèce de papillon blanc qui atterrit sur les écorces de bouleau blanc, le bouleau papier. Comme ça, les oiseaux ne les voient pas. Étant donné qu'à Londres, c'est pollué au coton, les bouleaux blancs sont noirs et gris. Tous les papillons blancs qui atterrissent là-dessus sont doublement visibles. Alors maintenant, on a une espèce du même papillon qui est gris ou noir. Ceux-là meurent en campagne, atterrissent sur des bouleaux blancs. Toute campagne meurt en ville, puis si chacun reste à sa place, ça va. La mutation, on va dire, c'est génial. Oui, combien de papillons blancs sont morts pour permettre la mutation? Bien, autant qu'il y aura d'humains qui devront mourir pour permettre, là, c'est génial. Bien, c'est ce qui arrive sur la planète Terre. Or, le papillon qui se fait bouffer parce qu'il est blanc avait atterri sur un bleu noir, qu'est-ce qu'il a fait dans ses vies antérieures? Rien. Rien. L'oiseau, il mange les papillons blancs, c'est bleu noir. C'est bien simple. Lui, il va dire, oui, mais si on me le dirait, moi, je ne le sais pas, moi. Mais non, ton instinct t'amène là, puis tu te fais bouffer, c'est comme ça. Et puis, lentement, à travers toute la mécanicité mathématique et mécanique, il y a des papillons qui finissent par survivre, puis finalement, à travers le temps, les papillons deviennent lentement gris, et ceux-là vivent. Qu'est-ce qui fait que... Rien. C'est comme ça, l'évolution de l'animal humain. Alors, quand un être humain se fait tuer inutilement d'un accident d'auto ou par une balle de fusil dans un dépanneur ou dans une guerre ou d'un écrasement de lion, qu'est-ce qui a fait que, absolument rien, ça fait que ceux qui restent sécrètent des hormones, ça mute les corps physiques. Simple. Sauf que lorsque l'être humain devient typique de son initiation solaire, il y a un laps de temps de transition. L'humain qui est impatient, il sécrète. Le secret de l'évolution, c'est de ne pas sécréter. Mais ne pas sécréter, c'est tellement compris que depuis l'Antiquité, ceux qui avaient des feelings ont dit à l'humain, « Contrôlez vos émotions, et vous aurez le contrôle du reste du monde. » Ça va de soi, en contrôlant tes émotions, tu ne nourris plus le monde de la mort, et nécessairement, tu n'es plus assujetti à lui, donc tu t'échappes du troupeau pour devenir un être individuel, un maître. Le problème, c'est qu'il ne faut pas contrôler ses émotions. C'est comme contrôler une humanité. Éduque-la, change-la, contrôle-la pas. Contrôler ses émotions nous oblige continuellement à sentir le corps réagir aux émotions et à envoyer de l'énergie qu'on appelle la volonté pour qu'il ne réagisse pas. Alors tu as peur, mais ça paraît pas. Tu es en train de mourir, mais personne ne le sait. Bon, tu transpires, mais tu es recouvert de stuff, ça paraît pas. Mais c'est pas ça. La transition vers l'initiation solaire fait que l'émotion, disons, pathologique, l'émotion mutatoire n'existe plus chez vous. Alors, lorsque vous allez voir des choses, vous allez vibrer en termes de sentiments, vibratoirement, vous allez vibrer à une chose. Mais il n'y aura pas d'expression hormonale. Le cœur ne participera pas, les intestins non plus, la transpiration non plus, la vasodilatation périphérique, ce qui nous fait rougir, ne participe pas non plus, et patati patata. Alors, on va être capable d'apprécier sa juste valeur, drôlement mieux que ce que l'humain apprécie présentement, les choses de l'extérieur, les événements, comme les choses créées, mais on n'en subira pas un vieillissement corporel, parce qu'on ne vivra pas de cela. Et contact avec son ajusteur de pensée est-il toujours positif? Non. C'est-à-dire, peut-il nous rendre inquiets ou angoissés, ou est-ce plutôt une certitude? Il peut rendre l'humain inquiet et angoissé. Plus on a d'ego, bien nécessairement, plus ça devient compliqué. Qu'est-ce qui est le plus dramatique pour le moine, pour le prêtre, pour la personne théologique, pour la personne qui fait une évolution spirituelle dans son évolution? Bien, c'est de réussir. C'est ça qui est le plus dramatique pour l'individu. Il n'est pas prêt à réussir. Il est prêt à cheminer. Il est prêt à prier pour voir Dieu. Puis il n'est pas prêt à voir Dieu. Or, la journée qu'une personne recherche des extraterrestres, elle en cherche partout, puis le moindrement qu'elle entend des choses, qu'elle entend parler d'RG, elle se garoche tout de suite pour voir, et puis finalement, quand elle arrive là, il n'y a jamais rien, il y a des pistes à terre, bon, il y a des arbres écrasés, il y a des photos, à un moment donné, elle s'en va dans son automobile, puis là, il y a une belle, c'est un couple qui est terri devant elle, elle fait une crise de cœur, elle meurt là. Pourtant, c'est ça qu'elle recherche depuis qu'elle est au monde. Oui, son but, c'est la recherche, pas le résultat. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi, bien souvent, l'ajusteur de pensée, pourquoi ça peut être angoissant, c'est que l'humain, il est là, qu'est-ce qui fait qu'il y a telle chose? Puis là, subitement, chou, il y a une réponse. Puis là, il se dit, non. Là, c'est dangereux, là. Parce que là, il n'arrive pas à supporter qu'est-ce qu'il vient de voir. Il arrive pas, il veut surtout que, bien souvent, il ne veut pas supporter la réponse. Il n'en parlera pas. Ça le mine. Puis ça crée des choses intéressantes. Comment faire pour ne pas être manipulé par son anti-homme quand on veut s'endormir consciemment? Technique de la semaine passée. C'est très simple. On doit obligatoirement être patient et on doit continuer à travailler. L'anti-homme, dans cette technique, ça peut être une expression phénoménale qui fait en sorte que l'individu aura peur, se sentira endocrinellement travaillé, donc le corps exprimera quelque chose. C'est l'anti-homme qui s'exprime par le corps physique, par le système endocrinien, donc par les hormones. Plusieurs choses qui peuvent se passer. Il doit l'instruire, il doit se parler, comme on en a déjà parlé aussi, et surtout la patience. La patience, c'est extraordinaire, la patience. Celui qui veut aller vite, qui passe son temps à tomber, le temps que ça relève puis que ça relance, bien, celui qui marche une vitesse à sa vitesse à lui va aller plus vite. En plus, celui qui passe son temps à tomber s'instruit qu'il n'est pas capable. Celui qui marche lentement, bien, il s'instruit qu'il est capable. Ça l'aide en sacrableux de savoir qu'on est capable. En combien de fois doit-on subir les chocs de la fusion? Ça me fait peur car c'est très douloureux. Je sens une douleur continue dans la tête et les oreilles décilement. Ce n'est pas une fusion, c'est un choc qui est l'expression biologique d'un contact avec son ajusteur de pensée, un contact qui est mal phasé. Bon, à un moment donné, la personne ici, là, elle fait sans doute, elle a sans doute fait le séminaire, on pourra se rencontrer, puis on pourra en reparler ou aligner des choses. C'est un ajusteur de pensée, premièrement, qui n'a aucune expérience qui a d'entrer en contact avec l'individu. Donc, c'est un ajusteur de pensée inexpérimenté, ce qui fait qu'il y a moyen de l'instruire, de l'expérimenter. C'est une chose qui peut se faire, pas nécessairement par l'individu, mais par quelqu'un d'autre qui est un ajusteur de pensée. Alors, on pourra revenir, mais présentement, il y a une phase d'adaptation, il y a un désalignement total entre l'ajusteur de pensée et son système neuronique, ce qui engendre des phénomènes comme on le voit ici. Que pensez-vous de ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée? Je pense rien. Est-ce avec lui qu'on communique dans l'instantanéité? Non. On ne communique pas avec l'ajusteur de pensée dans l'instantanéité. Quand on communique avec son ajusteur de pensée, on communique dans le passé, mais extrêmement collé sur l'instantané. L'ajusteur de pensée est un phénomène instantané, et lorsqu'il nous communique une chose, si on la communique après avoir communiqué avec lui, on est nécessairement déphasé dans l'instantané. Lentement, l'ajusteur de pensée finit par s'agglomérer au système neuronique, donc au système subatomique qui permet l'agglomération des atomes ensemble au niveau du système neuronique. C'est-à-dire qu'il y a certaines neurones qui vont lentement devenir, qui vont muter, c'est-à-dire qui vont vivre une polymérisation. Et lentement, ces neurones-là sont capables de se dépolariser au contact d'une énergie plus subtile, autre que l'âme. Alors, lorsque ces neurones se dépolarisent à un contact plus subtil, nécessairement, il y a une phase de communication qui va être biochimique et qui peut amener une décortication au niveau neuronique, par la suite, transmission au système laryngé, transformation en système phonique, et on le parle. Parce qu'il faut que les poumons, la gorge, les joues, la langue, les cordes vocales travaillent ensemble pour arriver à créer une phonation intelligente. Lorsque l'être humain exprime l'instantanéité, c'est qu'il a fusionné son ajusteur de pensée. Donc, il n'a plus d'ajusteur de pensée, il s'ajuste lui-même. C'est-à-dire qu'il l'a digéré, il l'a fusionné. Énergétiquement, il n'a plus d'ajusteur de pensée. Quelqu'un qui serait survoyant ou surmédium serait capable de constater que le gars n'a pas d'ajusteur de pensée comparativement à ceux qui commencent un contact fusionnel avec l'ajusteur de pensée. Il y a plusieurs sortes de fusion. Il y a la fusion des agglomérats dans l'ego, hein, les personnalités réincarnatives. Il y a la fusion entre l'ajusteur de pensée et l'être humain, et par la suite, création d'un double éthérique, et par la suite, retour du double éthérique vers le corps physique, et fusion du double éthérique avec le corps physique, ce qui engendre un être humain qui est plus ou moins nouveau. Donc, lorsque l'on communique avec notre ajusteur de pensée, on est déphasé dans le temps, mais c'est pas grave. On est possiblement moins coloré si on est capable de discerner le goût de l'énergie supramentale que l'ajusteur de pensée amène, du goût d'une énergie supramentale astralisée que l'ajusteur psychologique, l'intellect peut amener. Ça va de soi. Oui? Justement, en parlant de l'ajusteur de pensée, comment digérer l'ajusteur de pensée? La meilleure réponse, c'est en le digérant. Qu'est-ce que tu appelles digérer? Assimiler. De quelle façon? Bon. Alors, prends patience. La prochaine fois qu'on se rencontre, on travaille sur l'ajusteur de pensée. Alors, ça vaut pas la peine de poser la question-là. D'accord. Prends patience, on y arrive. Comment sortir du cycle heureux-malheureux pour faire muter notre corps? Bon, il est bien évident que la conférence ici, un but surtout, c'est de stimuler ceux qui sont déjà stimulés, hein? Parce que bien souvent, on vient apprendre ce qu'on sait déjà, mais on vient apprendre ce qu'on fuit, qu'on sait, ou encore qu'on sait juste pas assez pour mettre les mots convenables sur ce que l'on sait. Et ça devient utile, des fois, d'entendre quelqu'un jaser et expliquer ou placer les mots sur ce que déjà on décode. Le cycle heureux-malheureux est le cycle de l'évolution de l'animal humain. Pour parvenir à devenir un être humain, c'est-à-dire ne plus être assujetti à l'évolution de l'animal, mais être exclusivement assujetti à l'évolution des intelligences qui peuvent habiter l'homme et qui de plus en plus commencent à l'habiter, surtout au niveau du Québec. Pour vivre de cela, l'être humain doit devenir vivant. Être vivant, cela veut dire être capable de considérer notre présence planétaire sans avoir aucune mémoire chez soi, donc sans avoir recours à notre âme, c'est-à-dire sans avoir recours à aucun phénomène mémoriel, traditionnel, expérientiel, ou etc. L'être humain doit finir par différencier ce que veut dire existentiel et expérientiel. L'existentiel, sans expérimenter, c'est. L'expérientiel, pour savoir, doit expérimenter, donc il connaît. Il y a une nuance, il y a un déphasement. Pour que l'individu mette fin à son cycle bonheur-malheur, nécessairement, il doit comprendre énormément de choses. Il doit premièrement bien comprendre, cellulariser. Il doit faire en sorte que le corps physique sache, pas avec les neurones, puis pas avec le corps astral. Il doit cellulariser l'idée, la conceptualisation fautive, que le libre-arbitre est une farce. Hein? Ça n'existe pas, le libre-arbitre, ça, il doit bien le comprendre. Il doit comprendre aussi qu'il est totalement manipulé du point de vue de son âme, ça, de le comprendre. Il doit comprendre aussi que l'âme n'est qu'un facteur mémoriel, et le facteur mémoriel ne peut expliquer que le passé, mais ne peut absolument pas expliquer l'avenir ou le présent. Ça va de soi, c'est pas expérimenté, donc ça ne le connaît pas. Toujours vouloir expliquer le présent à partir du passé, c'est un facteur très, très dangereux. C'est une source inépuisable de confusion. L'être humain doit donc bien cerner cela. Et l'être humain doit aussi prendre conscience que s'il ne pense pas, il reste vivant. Il y a beaucoup d'humains qui disent, « Ouais, mais si on ne pense plus, on ne vit plus. » C'est faux. Si tu ne penses plus, tu restes vivant. Et surtout, il y a une chose importante, on ne doit pas faire de comparaison avec, « Bon, mais si on regarde le vaudou en Haïti, » Non, ça c'est autre chose. Moi, je ne regarde pas le voodoo en Haïti, je regarde le Québécois au Québec. Le Québécois au Québec, il a un corps physique très particulier sur cette planète. Ce n'est pas une race d'élus, il n'y a pas eu d'élection, mais il y a un corps particulier qui a été engendré par le paquet de lutte. Hein. Nous sommes la majorité descendants d'un paquet de bandits criminels qui ont été envoyés par la France ici. C'est d'ailleurs pourquoi on n'a jamais réussi à rien faire ici, parce que pendant que l'Angleterre envoyait des êtres humains intelligents, des forces armées, mais la France envoyait des bandits. Bon, ceux qu'elle ne voulait plus. Alors, nécessairement, ça crée un contexte, c'est intéressant, où on devient des êtres travaillant encore les uns contre les autres au niveau du Québec, des êtres individualistes dans la pratique, pas dans la conscience, collectif dans la conscience, parce que relié à l'évolution du troupeau, c'est-à-dire de l'évolution de l'animal humain, et pas suffisamment individuel dans sa conscience, mais trop individuel dans la pratique matérielle, ce qui engendre un peuple qui, biologiquement, est toujours en lutte contre tout l'extérieur. Ça fait une petite Chine québécoise, où tous ceux qui veulent venir nous envahir, bien, ils repartent québécois. Tandis que nous, on reste un peu ce qu'on est. La seule façon, évidemment, d'éliminer le Québec, c'est d'empêcher la natalité, mais la natalité présentement est empêchée simplement parce que les personnes doivent cellulariser leur évolution avant d'engendrer des enfants, et on va recommencer à pulluler les enfants dans 10 ans, vous allez voir. Alors, comment on peut passer du bien et du mal à l'initiation solaire? Il faut comprendre des mécanismes de base, il faut être capable de supporter ce que j'ai déjà expliqué, il faut être capable de devenir suffisamment puissant dans sa conscience d'évolution pour être capable de poser des questions et de supporter l'ignorance de la réponse. Si on est capable de supporter de l'ignorance sans qu'une fièvre apparaisse dans notre système neuronique, sans qu'une fièvre de l'évolution vienne nous nuire, si on est capable de poser une question magistrale, et puis il n'y a pas de réponse, et puis on se dit « c'est pas grave, ça viendra en temps et lieu », bien on est en train de se diriger à moyen ou à moyen terme vers cette phase d'initiation solaire où finalement, quand tu veux prendre l'avion, bien tu ramasses un billet à terre et tu vas prendre l'avion. C'est plus simple. Oui. Supporter mon ignorance et ma fièvre. Oui, mais c'est parce que quand on a beaucoup d'ignorance... On a un peu de fièvre, forcément. On a fait des découvertes, n'est-ce pas? On s'est aperçu que dans l'atome, il y avait un taux vibratoire de 2 à la 28 zéro, soit 200 000 triards. Puis cette vibration-là, ce serait un peu comme le principe du magnétoscope. Ce serait une forme de, n'est-ce pas, le ruban à cause d'une certaine vibration, mettons 200 000 vibrations à la seconde, retiendrait des choses. Voici ma question. Si on a une telle capacité de se souvenir, juste au niveau d'un seul atome, puisqu'à 2 à la 28 zéro, c'est plus que tout ce que les bibliothèques du monde entier contiennent, quelle est la clé d'accès à ces mémoires-là? Voici ma première question. Puis Bergson disait que la mémoire, c'est la faculté de rejeter l'inutile. Qu'est-ce qui fait que l'on rejette l'inutile et puis que l'on retient l'utile? Bon, faut faire attention. La mémoire, c'est la faculté de rejeter l'inutile. C'est faux. La mémoire, c'est la faculté simplement d'entretenir le passé en rejetant tout ce qui est vivant. Et dans cet entretien du passé, la mémoire a la faculté d'essayer de retenir exclusivement ce qui peut lui donner l'illusion d'être efficace d'entrer dans un monde neuf. Alors, il rejette l'inutile pour entretenir l'illusion de l'efficacité dans un monde neuf, alors que l'individu qui n'a aucune mémoire, mais qui par contre est suffisamment instantané à un événement pour inconsciemment, presque instantanément ou sinon instantanément, décoder tout l'événementiel qui l'entoure, donc il devient efficace, il n'a pas besoin de mémoire. Nécessairement, quelle est la clé pour aller fouiller dans ce que le système arien appelle les annales akashiques, c'est-à-dire la mémoire planétaire? Dans un atome, il y a des choses. Alors, bien souvent, j'ai dit qu'on devait développer une conscience atomique. La conscience atomique, c'est exactement la capacité de vibrer, de résonner à ce paquet de vibrations, parce que là, tu donnes l'exemple d'un atome, mais chaque atome a son potentiel vibratoire quelque peu différent, qui crée d'ailleurs des phénomènes assez intéressants au niveau des structures chimiques. Pour parvenir là, il y a deux choses. Premièrement, il y a la prière, qui est un facteur qui a toujours été utilisé. Mais le problème, c'est que l'humain ne sait pas comment prier. Il place de l'énergie au lieu d'aller en chercher. Un facteur intéressant, c'est aussi ce qu'on peut appeler le voyage astral, le voyage de l'âme. Mais encore là, l'humain peut voyager dans un atome qui a mémorisé un événement, mais il peut aussi voyager dans une conscience mémorielle qui a mémorisé ce que les gens ont dit de l'événement. Alors, même dans ce voyage astral, il y a différents paliers de coloration où tu peux ne jamais connaître la réalité. Il y a d'autres facteurs où, lorsque le cerveau humain, et ça c'est important, tu as peut-être déjà entendu dire que certaines personnes, dans l'entourage d'un maître, dans l'entourage d'un disciple, enfin d'un saint, se calmaient. Même apprenaient sans que l'autre ouvre la bouche. Ça va de soi, l'autre respire. En respirant, il ramasse de l'oxygène, du gaz carbonique, de l'azote et des différents gaz rares, des petits cossins. Et quand il expire, il rejette dans le gaz carbonique et dans l'oxygène les mémoires astrales de ce qui le constitue. Et surtout de ce qui est hormonalement, enfin, il y a tout un facteur que je pourrais expliquer. Et nécessairement, le rejetant, dans l'entourage, on respire les mêmes molécules que lui. Et respirant les mêmes molécules que lui, si on est suffisamment sensible, l'énergie qu'il rayonne peut nous rendre sensibles. Alors, on peut arriver à décoder dans la tombe des mémoires, ce qui fait qu'à son contact, on apprend. L'intelligence supramentale, elle, par contre, se véhicule dans les gaz rares. Pas dans l'oxygène, pas dans le gaz carbonique. Surtout la structure astrale qui est maintenue là. Alors, on pourrait continuer à explorer, là, mais j'ai plein de questions. Non, ça va. Merci. D'accord. Quelles sont les preuves concrètes que des choses comme OFSA devront se passer au Québec? Je vous répondrai dans 20 ans. Un séminaire pour dépasser la limitation de notre ego est-ce possible? Pourquoi la vie n'y réussit pas? Première chose, un séminaire fait partie de la vie. Donc, la vie est réussie. Deuxièmement, on ne peut jamais garantir le résultat à partir d'aucun cours ou d'aucun séminaire, sauf si l'individu est capable de garantir sa structure de base. Garantissez-moi que vous allez passer, moi vous garantir que vous allez passer. Le séminaire, qu'est-ce que c'est? Je répète que c'est un événement dans la vie. Étant donné que c'est un événement dans la vie, on peut, par exemple, voir sa maison brûler et apprendre énormément de choses. On a cumulé de l'expérience. On peut aussi avoir de l'information dont vive une expérience qui est plus au niveau de l'oral, au niveau du système neuronique, plutôt qu'au niveau du système endocrinien. Donc, dans un séminaire, étant donné que l'énergie est beaucoup plus mentale, ça peut faire en sorte que certaines personnes vont dormir. Dans les conférences, on les laisse dormir. Dans les séminaires, bien, on s'arrange pour que la personne à côté la réveille de temps en temps. Parce qu'au moins, il faut qu'elle puisse poser des questions. Oralement, parce que dans le séminaire, on parle oralement. Mais le séminaire fait donc partie de la vie. Une chose qui est certaine, c'est que le séminaire que moi je donne, il amène de l'information, il amène de l'énergie, et ça s'arrête là. L'individu pose toutes les questions qu'il veut, il a toutes les réponses qu'il veut, il a le loisir de s'assiner s'il le veut, il a le loisir de poser et d'apprendre tout ce qu'il a besoin d'apprendre. Et bien souvent, moi je pose des questions, et s'il me confirme ce que je sais, et alors je lui fais apprendre aussi ce qu'il n'est pas venu chercher, ou ce qui, finalement, l'a amené là, mais peut-être plus ou moins à son inconscient. Bien souvent, c'est l'ego qui s'inscrit à un séminaire. Mais quand il sort de là, il y a du mental qui sort avec lui. C'est pas ce que l'ego voulait normalement. Alors, le séminaire, c'est quelque chose dans le genre. Je ne promets pas de transformation, de mutation, de ceci ou de cela. Une chose qui est sûre, par contre, c'est que par la suite, on a suffisamment de vocabulaire, on a suffisamment d'informations pour comprendre, le voir. On voit le monde avec des yeux neufs. Simplement, je fournis des lunettes. Mais je dis pas que vous allez être guéri de tout. Ça, c'est votre travail. Chacun sa job. L'initiation solaire n'est donc pas unique puisqu'il en faut plusieurs. Pourquoi pas une seule? L'initiation solaire, c'est une seule chose. Bon. L'initiation lunaire, c'est une seule chose. L'initiation lunaire a duré 4,5 milliards d'années. L'initiation solaire va durer beaucoup plus longtemps. Mais lorsque nous parlons d'initiation solaire d'ordre mineur, donc par exemple le contact christique avec Jésus, le baptême avec Jean le Baptiste, la mort sur la croix, la résurrection, on parle de 4 initiations solaires qui ne font partie que d'un seul volume d'initiation solaire qui permettait à une entité qui possède un faisceau particulier de venir se terrestrifier, de traverser le monde de la mort, ramasser ceux qui de son faisceau sont déjà morts, venir dans le monde de la vie, de 0 à 12 ans, disons, hein, pour rester traditionnel, il arrive à créer une complicité avec l'ego de Jésus, ce qui engendre Jésus-Christ, le Nazaréen. Par la suite, il va vivre maintenant, et tous ceux qui meurent de son faisceau se réincarnent immédiatement dans sa conscience à lui. Donc, à partir de ce moment donné, il supporte le poids de son humanité, et le poids des péchés, le poids de la mémoire. Et à un moment donné, ben, lorsqu'il doit mourir, il doit retourner dans le monde de la mort, ce qui est le retour en enfer, pour aller récupérer les mémoires de ceux qui sont morts de 0 à 12 ans, le temps où il ne peut pas les récupérer. Lorsque c'est fait, il revient simplement traduire ses apôtres pour leur donner quelque chose, et surtout parler à Lazare pour qu'il finalise certaines autres choses, et par la suite, il se retire du contexte planétaire. Christ veut dire surtout christique, christifié, supramental, c'est l'intelligence. Même si le Nazaréen, lui, procédait aussi du principe bouddhique, il avait une intelligence qui avait du cœur. C'est pourquoi on l'appelle aussi le Fils et on parle d'amour. Il y a une initiation solaire qui dure. La prochaine initiation solaire majeure pour les humains qui y ont vécu et qui vivent va durer approximativement 13 800 ans. Il y aura d'autres facettes par la suite. Mais quand on les sépare, c'est parce que tu as un début, un repos. Un début, un repos. Et finalement, ben, tu es toujours dedans. Bon. Mais du point de vue de l'humain, il voit des strates. Quand le Nazaréen a fait sa sainte colère et test lunaire pour qu'il le sécrète. Non, le Nazaréen n'a jamais fait de colère. Par contre, il était souvent, il l'imitait. Et en imitant, il faisait en sorte que les autres sécrétaient. Et surtout, il faisait en sorte que les autres comprennent ce qu'il voulait dire. Et il y a autre chose aussi. De très temps en temps, et ça ne devrait pas être dit. Mais enfin, je me suis lancé. De très temps en temps, l'ego de Jésus refaisait surface. Et l'entente était l'entente. Mais quand le Jésus a su qu'il finirait sur une croix, il y a eu des petits problèmes. Bon, intelligence supramentale. C'est souvent comme ça. Quand Jean le Baptiste a accepté de travailler pour Dieu, disons pour l'intelligence supramentale, de préparer les chemins, d'aplanir les chemins, sa récompense, et on coupait la tête. Bon. Il fallait qu'il se taise, il n'était pas capable. C'est ce qui arrive. Jean le Baptiste réincarné, nécessairement, est plus prudent. Bon. Y a-t-il des initiations par le feu qui ne sont pas solaires, ou si je ressens un feu qui me brûle, c'est solaire? Non. Initiation solaire n'engendre pas nécessairement un feu qui nous brûle. Le feu qui nous brûle est une question d'une répercussion d'un des chakras, donc d'un centre d'énergie vitale. Le centre d'énergie vitale, l'énergie vitale yin-yang ou ominal, les acupuncteurs vont la découvrir d'ici peu, yin-yang ou ominal ont une correspondance proche de la radiation. Donc, c'est un facteur presque ionisant, mais c'est un facteur qui va plutôt manipuler les autres humains. Il va donc ioniser l'âme, si on peut dire, même s'il n'ionise pas la matière. Le facteur, donc, de ce corps vital ici, il est rayonnant, donc presque radioactif. La radioactivité peut le transformer de A à Z, donc muter la mémoire cellulaire complètement, ce qui engendre des mutations physiques. L'électricité à haute tension en est proche et le feu en est proche. C'est pourquoi, lorsque dans l'Antiquité, on voulait se débarrasser d'une personne qu'on prétextait à être sorcière, eh bien, on la faisait brûler, le corps vital brûlait en même temps, et l'âme gagnait le monde de la mort immédiatement, ce qui fait que n'ayant pas de corps vital, elle ne peut pas revenir en fantôme hanté l'humain. Le feu est suffisamment proche pour que ça prenne plus de temps, puisse détruire le corps vital en même temps que le corps physique, si l'humain est vivant, quand on le fait brûler, parce que sinon le corps vital est parti, la vie l'a quitté. Alors donc, ce feu que l'on ressent est simplement un problème au niveau chakrique, donc relié à un carrefour d'énergie. Le contact solaire avec une résistance de l'antium, donc de l'ego, peut amener ce genre de phénomène. Et en même temps, et pour ordonner au lieu de subir les dieux. Bon, je t'explique. Je vais expliquer, là. Hein? Il faut apprendre à savoir qui nous sommes. Il faut connaître les clés qui nous permettent d'être ce que nous sommes. Donc, la clé est toujours un nom, un mot. Donc, le nom de notre ego, le nom de notre antium, le nom de la mémoire réincarnationnelle qui a réincarné les phénomènes qui ont accepté le neuf, le nom du canal, ce qu'on appelle le canal ombilical, qui permet les réincarnations 24 heures sur 24 du monde de la mort, ce qui nous permet de manipulation. Il faut connaître aussi le nom de l'égrégore à qui on veut s'adresser, ou le nom de l'égrégore qui nous dérange souvent. Une colère mentale peut régler le problème si on ne connaît pas tous les noms. Sinon, c'est la prière qui va régler le problème au niveau du monde de la mort. Sinon, lorsque l'être humain devient suffisamment puissant, eh bien nécessairement, lorsqu'il n'aura plus d'âme, ils sont totalement désassujettis, il y aura juste de l'esprit chez lui, bien là, il pourra commander le monde de la mort tant qu'il voudra. Alors, il y a donc différents paliers. La première chose que l'humain peut faire, c'est d'apprendre comment prier. Prier, c'est pas juste de mettre de l'énergie en haut, là. C'est pas ça. Je l'ai dit souvent, le Nazaréen, lorsqu'il est monté à prier, c'était absolument génial. On pourra tout décortiquer la prière qu'il a faite à un moment donné. La seule chose qu'on peut retenir pour l'instant, c'est qu'il finit avec Amen, qui veut dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il, c'est un ordre. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et comme l'humain ne n'ordonne pas, regardez juste la belle farce. C'est génial, mais c'est génial. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Fait que tout ce que moi dire, il est fini. Il ne sert plus à rien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Alors, je me suis totalement à faire ce qu'ils veulent. Après ça, je continue. Faites que ma mère guérisse. Non, ma prière est finie, elle est fermée, là. Fait que tout ce que je dis au complet, rien à foutre au niveau de la prière, je ne prie plus, là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon Père, faites que ma mère guérisse, faites ceci, faites cela, faites cela, faites cela, faites cela, faites cela. Là, je ne suis plus en contact pendant tout, là, j'ai fermé, moi, là. Alors, c'est absolument génial, ça permet à tous les humains d'une collectivité de faire au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ben voilà, c'est fin, t'es plugué là, puis tout le reste complet, ça s'occupe. Les clés ont été cachées, ils ont été perdues. Bon, mais c'est intéressant que l'humain finisse par découvrir les clés pour arriver à fonctionner. Le monde de la mort, c'est une banque. On met de l'argent là-dedans, on met de l'énergie là-dedans, nos trésors dans le ciel depuis plusieurs milliers d'années. Sauf qu'on n'a pas le droit de retirer, parce qu'on a perdu notre carte du guichet automatique. Bon, ben maintenant, il faudrait qu'on s'en... Bon, en tout cas, voilà. Comment différencier les comportements de l'ego de ceux de l'âme? Ça n'a aucune importance, les deux sont problématiques, sauf que l'ego est le maître à bord de l'âme. Par exemple, l'aspiration de l'âme est-elle un désir de l'ego déguisé? L'âme n'aspire pas à évoluer, c'est effectivement l'ego qui est déguisé, c'est la partie luciférienne de l'âme qui oblige l'humain à continuellement rechercher l'évolution, alors que pour qu'il ne quitte pas le monde de la vie trop rapidement, qu'il ne se suicide pas à tout bout de champ, il y a une partie satanique ou arimanienne qui vient l'implanter dans la luxure et dans la matière. Donc l'humain peut jouir de la matière et en même temps vouloir évoluer, retourner vers sa source créatrice, qui n'est pas ce que nous connaissons bien souvent, mais qui est au-delà de cela. Bon. Alors, lorsque l'être humain a une idée amique d'évolution, c'est qu'il est assujetti à des traditions, il est archétypé, c'est préparé pour que l'humain ne finisse pas par trop aimer la matière et s'endormir dedans comme un vide ver de terre. Mais en même temps, il ne doit pas quitter le monde de la vie trop rapidement, il a une fonction à appliquer, il doit croître et se multiplier dans l'évolution de l'animal humain, c'est-à-dire qu'il doit engendrer, parce que de cette façon-là, il transmet la vie et sa cellularisation, donc son évolution génétique dans ses enfants. Alors l'humain ne se reproduit pas, mais il reproduit des véhicules physiques de mieux en mieux préparés à recevoir de l'esprit. Affirmer à son auditoire qu'applaudir est un indice de débilité collective revient-il au même qu'affirmer à sa cliente que la viande qu'on lui vend provient d'une vache malade? Bon, premièrement, ce n'est pas moi qui ai affirmé ça à mon auditoire en passant. Mais dépendant encore une fois de ce qui se passe, la personne qui vient vous voir et qui cherche absolument à être malade, ou la personne qui vient vous voir et qui recherche exclusivement une viande en santé, bien effectivement, si on est client, il y a un vendeur qui est honnête, on va lui dire « la viande qui est là vient d'une vache malade ». Si vous en pas, ben, vous pouvez peut-être aller en acheter ailleurs, ben, non, venez dans deux jours. Mais une chose certaine, c'est que je n'ai jamais dit qu'applaudir était un symbole de débilité. Lorsqu'on parlait d'applaudir, c'est qu'on a fait des différentes conférences de temps en temps, juste au cas où des personnes sont nouvelles ici et ne comprennent pas l'idée. Applaudir, c'est très intéressant, ça permet au nouveau de savoir que c'était bon. On parle d'honnêteté, là. Alors, la personne, elle vient la première fois, elle s'assoit, puis il y a une conférence, personne n'applaudit à la fin, puis là, elle dit « crime, je me suis fait fourrer ». Puis tout le monde applaudit, elle dit « ah bon, je savais que c'était bon ». Bon. Parce que l'humain est souvent collectif. Alors, c'est pour ça que dans toutes les salles à la télévision, on a un gars qui fait applaudir les gens. Là, les gens sont contents, parce que sinon, ça n'applaudit pas. Et il y a autre chose, ce n'est pas grave d'applaudir. Lorsque l'être humain applaudit, regardez le bébé qui tape des mains, il est content. Sauf qu'on peut aussi apprécier quelque chose simplement en l'appréciant à sa juste valeur. Et on l'apprécie. Alors, nécessairement, ce n'est pas nécessaire d'applaudir. Par contre, lorsque l'être humain applaudit en sachant ce qu'il fait, je veux communiquer que j'ai aimé ça et parce que je vibre que c'est important. Ou quand je sors d'ici, je suis énergisé, ou quelle que soit la raison, eh bien, je veux applaudir. Ça va. Mais quand on entend, par exemple, j'ai été à la Place des Arts quelques fois, et puis là, ça commence à applaudir dans l'allée là-bas, là, puis ça s'en vient, là, puis lentement, là, ça... Ah! Mais là, il y en a la moitié, trois quarts qui applaudissent. Hein, juste pourquoi? Parce que les premiers ont applaudi là-bas. C'est comme quand j'allais au parjorie avant que je vois le baseball, là. On voyait rien là-bas, là. Puis là, à un moment donné, ça se mettait à crier tout le tour. Ah, mais là, on savait qu'il venait de frapper. On criait tout avec. Applaudir n'est pas un symbole de débilité, loin de là. Par contre, applaudir est un symbole de collectivisme. Sauf que lorsque chaque individu décide d'applaudir pour une raison qu'ils ont à eux, c'est pas collectif. Un jour, je faisais une conférence au Collège Maisonneuve. Et je dis au public, celui qui aime, aime tout. S'il aime, s'il y a une seule chose sur la planète qu'il n'aime pas, il ne sait pas c'est quoi aimer. Il y a un individu qui était assis à ma droite qui se lève debout et qui se met à dire. Puis il se rassoit. Les autres, aucune importance. Ben, voilà. Au lieu de dire, ouais, t'as raison, c'est ton bout, ben, il applaudit. C'est pas un signe de débilité. Mais si tout le monde serait mis à applaudir, ben là, on aurait pu penser qu'il y a des gens qui ne savent pas trop pourquoi ils applaudissent. Remarque, la salle était froide. On aurait pu penser qu'il se réchauffait les mains. Applaudir n'est donc pas un problème. Rien n'est un problème. Mais savez-vous pourquoi vous le faites? Ça règle le problème. Est-ce que faire la volonté du Père aiderait à l'initiation solaire, le Père dans les cieux? Oui. Le seul problème qu'il y a, c'est toujours la même chose. À quoi je suis connecté, là? À l'astral, au Père dans le ciel, à une manipulation satanique, comme Jim Jones, hein, lentement, ça l'a amené à faire des conneries, puis dans le début, pourtant, il sauvait l'humain. À qui? C'est pourquoi que lorsque on a un contact, lorsque ça parle dans notre tête, en passant, le contact supramental, ça ne parle pas dans notre tête. On le dit, on le vit. Donc, c'est nous qui parlons, mais ajusté. Et en connexion avec de l'énergie intelligente, donc une mémoire galactique, parce que l'énergie supramentale, c'est simplement la mémoire galactique, la mémoire de notre galaxie. C'est omniprésent, c'est omnipotent. Pardon, c'est omniscient, mais c'est pas omnipotent. Bon. Lorsque l'être humain a un contact avec quoi que ce soit, la seule chose qu'il doit faire, même s'il le dit, même si ça semble puissant, même si ça semble énergétique, une fois qu'il le dit, il doit s'asseoir puis se dire, ou simplement parler dans sa tête maintenant, au lieu de parler oralement, il pense pas, il parle dans sa tête, et puis là, ben, il repose les mêmes questions, puis il fait juste vérifier si ça a du sens, ce qu'il vient de dire. Alors, que le contact vienne de n'importe où, tant qu'on n'est pas capable d'en goûter la saveur, eh bien, on fait juste rester nous-mêmes, puis on applique ce qui nous semble bon d'appliquer, puis on n'applique pas ce qui nous semble pas bon. Facilite les choses. Comment finir par accepter le vieillissement causé par la mutation volontairement acceptée ou la conscience? Par la conscience, un corps vieilli peut-il être solide? Oui. Un corps vieilli peut devenir extrêmement solide. Un corps vieilli peut même rajeunir. Puis un corps vieilli peut même redevenir très jeune, c'est-à-dire enfant. Je l'ai dit souvent, quand je dis ceci, ça fait frémir certaines personnes. C'est pas trop grave, ça me dérange pas trop. Ça, au moins, ça fait sécréter. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si on est capable, simplement comme ça, bêtement, de voir un enfant devenir un adulte, ça se peut pas ça non plus. Il a mangé des bananes, des pommes, du pablum, puis là, lentement, ben, il allonge son doigt, puis il allonge l'autre en même temps, puis il grossit la tête, puis il grossit le cœur, puis il grossit tout au complet, puis les vaisseaux sanguins s'étirent en même temps que les membres, hein? Et que c'est bien fait. Mais si ça se fait dans un sens, c'est aussi possible dans l'autre sens. Parce que ça fait des millions d'années qu'on expérimente seulement dans un sens, on n'arrive pas à engendrer l'idée, on n'arrive pas à accepter la phénoménologie qui pourrait faire en sorte que ça se fasse dans un autre sens. Tant que vous allez être capable de planter une graine dans le sol puis voir un arbre pousser ou une fleur pousser, puis tu te dis, ben oui, mais c'est normal de planter une graine. Mais vous ne pourrez pas vieillir, rajeunir. Quand vous allez dire, je plante une graine, c'est un morceau de bois, puis là, finalement, tiens, les belles fleurs, s'ils moussent, tout doux, ça se défait. Ou non, c'est un arbre, il y a une sève, il y a des feuilles, il y a ci, il y a ça. Et c'est tout d'une petite graine, ça, là. Si ça se fait dans un sens, c'est impossible. Donc, si ça marche dans l'impossible dans un bord, ça marche dans l'impossible dans l'autre bord. Il y a des personnes souvent qui me disent, qui me demandent au niveau du séminaire, oui, mais moi, j'ai 75 ans, là. Fait que franchement, là, je pense que c'est un peu tard, hein. Oui, il est un peu tard si tu meurs à 76 ans. Mais si tu meurs à 88 ans, peut-être pas. Mais si tu meurs à 105 ans, peut-être pas. La personne, elle peut dire, oui, mais il n'y a pas grand-chance que. Moi, j'ai un jeune là, qui a 29 ans. Il peut mourir d'un accident de char dans 3 semaines, tu sais. Fait qu'il n'y a pas bien ben plus de chance que toi. Fait que tu n'as qu'à décider ce que tu veux faire. Il n'est jamais trop tard, puis il est toujours trop tard. Y a-t-il une raison intelligente au niveau cosmique pour que tant de trésors, les catacombes, demeurent encore introuvables aujourd'hui? Oh oui. Explique-moi donc un phénomène de télékinésie, de matérialisation au niveau vibratoire et au niveau moléculaire. Bon, la personne, elle fait le PMC, c'est écrit sur la feuille ici, alors j'aimerais mieux qu'elle vienne m'en jaser à un moment donné, parce que là, on ne sortira pas du bois ce soir. On va la mettre de côté ici, là. Si on a encore le temps, on pourra en jaser. Parce que c'est beau d'expliquer, mais il faut aussi donner suffisamment d'explications. Pouvez-vous expliquer ce qu'il faudrait faire pour obtenir l'éternelle jeunesse dont on parle dans la vie des maîtres? Ben, la vie des maîtres, c'est leur avis, hein? C'est la vie des maîtres. Bon. Mais ce qui est important de savoir, c'est que notre bonhomme Spalding n'a pas tout vécu ce qu'il compte. Par contre, tout ce qui est compté est vrai. Coloré, amusé. Bon, mais ça se peut. L'éternelle jeunesse. Premièrement, l'humain qui s'ennuie de temps en temps chez lui ne devrait jamais rechercher l'éternelle jeunesse, l'éternité. Parce que passer l'éternité à s'ennuyer, c'est un problème. Autre chose, l'éternelle jeunesse, recherchée par l'ego, recherchée par l'âme. L'âme qui a peur de la mort, parce que sans le corps physique, elle ne sait plus qu'elle est là. L'éternelle jeunesse, recherchée par l'ego, est un leurre, une farce. Lorsque l'être humain n'a plus d'ego, lorsqu'il ne vit plus de l'évolution hormonale, donc lorsqu'il n'est plus assujetti à l'évolution de l'animal humain, les animaux naissent, vivent et meurent. Et ainsi en est-il de l'homme, du corps de l'homme. Lorsque l'être humain devient assujetti à une initiation solaire, lorsqu'il est capable de gérer lui-même la mutation corporelle, de façon à permettre à ce que de plus en plus d'intelligence, finalement, l'intelligence bouddhique, donc une intelligence qui a du cœur, et finalement l'intelligence qui a du cœur et qui est capable d'intentionnalité, donc capable de muter les choses, on pourrait appeler ça créateur ou mutateur. Lorsque cela se fait, le corps ne vieillit plus. La première phase est d'arriver à s'anégoïser. S'anégoïser veut dire être capable de supporter de l'intelligence, être capable aussi de supporter une claque en plein visage, être capable de supporter que quand tu veux qu'il fasse beau, ben il pleuve, pas grave. Être capable de supporter les autres, être capable de plus en plus de cesser d'accepter de se laisser manipuler par autrui. Pas leur dire de cesser de nous manipuler. Mais non, l'autre qui crie tout le temps, ça te dérange plus. Ton corps est solide, il bouge plus à ça. Il y a un auto qui freine à mort à côté de toi, ça te dérange pas. Dans ton champ vital, tu as perçu qu'elle ne rentrait pas dedans, puis le bruit te dérange pas. Tu te projettes pas dans tous les accidents possibles. Lorsque l'être humain est capable d'être suffisamment anégoïque, lentement, le poids de l'esprit descendant dans son âme vient démolir des parties de l'ego. Et ça fait souffrir, on appelle ça briser des chocs. On peut évoluer en faisant briser des chocs. On peut aussi évoluer en instruisant l'ego. C'est autre chose. Lorsque lentement l'ego se défait, l'individu finit par de moins en moins se prendre au sérieux. Il s'identifie de moins en moins à lui, et lentement, la partie égoïque devient de l'énergie vitale, elle continue donc son évolution, et lentement, il y en a tellement. J'ai déjà expliqué ces phases à un moment donné, et là, l'individu commence par transpirer de l'énergie vitale, ce qui fait que là, son corps cesse immédiatement de vieillir. Il continue d'en transpirer, à la longue, il pourra même guérir les gens qui vont le côtoyer. C'est un problème. Il devra donc apprendre à contrôler cela parce que les gens ne comprennent jamais ce genre de choses. Après ça, les gens, ils vont le têter à mort, le gars, ou la fille, pour se faire guérir. Parce qu'un être humain, ça se fout royalement. Un être humain, c'est comme un dieu, hein? Il y a un dieu dans le monde de la mort, un dieu dans le ciel. Alors, c'est la même chose. C'est dangereux. Alors, lentement, notre individu va continuer à s'anégoïser, ce qui fait que l'énergie vitale qui est exprimée dans le monde moronciel, c'est-à-dire dans le monde où il n'y a pas de corps physique, mais où la vie demeure donc avant le monde de la mort, eh bien, dans ce monde, il y aura une création lente, une copie conforme de toute sa phénoménologie subatomique qui permet la gestation complète de son corps vital matériel qui engendre la révélation de la matière, donc une copie conforme, un double éthérique, un double moronciel de ce qu'il est lui. Lorsque cela sera fait, lorsque le double sera totalement constitué, premièrement, notre individu sera immortel, on peut tuer son corps physique, mais lorsque l'âme va dans le monde de la mort, un âme pure, sans égo, sans mémoire volatile, lorsqu'elle va dans le monde de la mort, dans le plan moronciel, pardon, elle n'est plus attirée par le monde de la mort et elle va se cacher dans le double éthérique. Si elle se réincarne, lorsqu'elle sera parlée, elle dira à sa mère, je m'appelle pas Marc, je m'appelle Daniel. Pourquoi? Parce que là, il y aura vécu une réincarnation unitaire et non pas pluralitaire fusionnelle, alors il saura qui il est. Lorsque cela arrive, il revient et là, il finit ses choses. Bien souvent, lorsqu'on tue le corps physique d'une personne qui a un double éthérique, mais qui n'est pas totalement fusionné, la personne a la faculté d'amener son corps dans sa mort, ce que le Nazaréen a fait. En 3 heures, le corps matériel a été totalement dissous, imprimant dans ce qu'on appelle le suaire, l'impression du double éthérique, qui était supplantée par l'impression matérielle ou subatomique du corps physique en dissolution, en éthérification. Et lorsque cela est fait, il a amené le corps à la mort. Autre chose, un individu peut aussi de son vivant vivre une fusion avec son double éthérique et nécessairement lentement son corps devient éthérique. Lorsqu'il devient éthérique, eh bien, une personne qui voit l'aura voit bien que c'est éthérique, puis souvent les personnes qui ne voient pas l'aura voient pareil, que sont terrifiées. Ils se poussent. Bonheur peinture, prendre des photos, s'amuser, on invente une science. Lorsque cela est fait, nécessairement le corps physique qui n'est pas mortel, l'âme ne va plus dans le monde de la mort, elle est totalement désassujettie de l'évolution de l'animal humain, donc de la gestion du monde de la mort. Et en même temps, notre individu est capable de vivre d'une façon extraterrestre, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir accès à une conscience qui n'est pas générée par le monde planétaire, donc à une conscience qui n'est pas archétypale du passé, une conscience qui n'est pas la mémoire planétaire qui a été créée dans le début. On en a souvent parlé. Pour les raisons qu'on a déjà parlé aussi, au niveau de la gestion de l'homme, l'humain a maintenant accès à un savoir qui est au-delà de la planète, qui lui permet de vivre sur 2 plans. Le plan matériel, éthérique, et le plan éthérique. Alors, l'éternelle jeunesse, c'est un symptôme de l'évolution. Et rechercher les symptômes de l'évolution, c'est comme se mettre du mascara pour rechercher les symptômes de la jeunesse. C'est comme s'habiller en moine, ou s'habiller en saint, ou copier des choses. C'est les symptômes de l'évolution. Mais ça ne change rien sur ce que nous sommes fondamentalement. Et nous ne sommes pas ici pour vivre des symptômes et rechercher égoïquement les symptômes. C'est la seule chose que l'ego peut faire, rechercher les symptômes. Il y en a qui se font crucifier une fois par année à Pâques, juste pour s'amuser. Ils ont l'impression que là, au moins, ils revivent à faire du Christ. Sauf que le Christ ne s'est pas fait crucifier tous les années, lui. Est-ce que le processus de mutation mentale vient empêcher les maladies causées par le stress et empêche aussi le vieillissement du corps physique? Le stress, c'est quoi? Quand un individu a peur, puis que le corps n'accélère pas, que la peau ne transpire pas, bref, que le corps est totalement relax, l'individu, il ne sait pas qu'il a peur. Si l'individu n'a pas peur, puis qu'une manipulation par un hypnose ou par un hypnotiseur ou encore un magnétiseur engendre une tachycardie, le cœur se met à accélérer, engendre une diaphorèse, une transpiration, engendre différentes choses comme ça, la personne va se dire, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Puis immédiatement, elle va avoir peur. Pourquoi? Parce qu'elle lit dans le corps l'expression hormonale de la peur de l'ego. Lorsque le mental prend le dessus, lentement, le corps astral, c'est-à-dire que lorsque le mental va devenir le contrôleur à bord, il va prendre contrôle du système endocrinien. C'est une chose qui se fait. Bon. Et lorsque cela est en marche, eh bien, lentement, il y a de moins en moins de sécrétions hormonales paroxystiques, disons imbéciles, et lentement, le corps cesse de s'épuiser. Imaginez un corps physique qui doit simplement réagir pour résister lorsqu'on le coupe. Alors, le cœur se met à accélérer. Il y a toute une panoplie de choses qui s'appelle une réaction anti-choc qui essaie de préserver la vie. L'émotion, c'est quoi? C'est la même mot à dit affaire, sauf qu'il n'y a pas de danger. Alors, le cœur accélère pour rien. Le cœur ralentit tellement qu'il n'y a plus assez de sang au cerveau, on tombe dans les pommes. Choc psychogénique. Bon. On transpire régulièrement. Le système digestif marche plus parce qu'on ne sait pas si on garde l'eau ou si on la rejette. Toute une réaction anti-choc et l'être humain appelle ça l'émotion. Vénérable émotion, elle mute le corps physique. Et lentement, bien nécessairement, la mutation n'est pas toujours supportée par les cellules, alors aussi elle tue le corps physique, elle le vieillit, ça va soi. Lorsque l'être humain n'a plus d'âme, il a une âme pure. Son visage, qui, par la caractérologie, exprime ce que l'âme est, hein? Les yeux ont tendance à le faire, les mains ont tendance à le faire, le visage, le corps. Bien, plus l'âme s'en égoïse, nécessairement, lentement, le corps qui vit à un rythme beaucoup plus lent que l'âme, va changer plus lentement. Mais nécessairement, ça engendre des phénomènes où certaines maladies, des psychostress vont être éliminées. Et lentement, le vieillissement peut être arrêté, et dépendant de l'évolution de l'individu, ça peut arrêter, ça peut même régresser. Chose importante, ce que je vous dis là est un phénomène qui est absolument existentiel, mais je ne dis pas qu'une personne qui fait mon séminaire va rajeunir. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas en deux jours de séminaire. En deux jours de séminaire, tu as juste plein d'informations là, pour pouvoir voir mieux. Et maintenant, il te reste encore le job à faire. Sauf que là, maintenant, tu sais à quoi sert un marteau, tu sais à quoi sert un clou, tu sais à quoi sert une scie. Fait que tu cesses de taper ton clou avec ta scie. Bon, tu vois un peu mieux, mais la maison est à bâtir quand même. C'est bien évident. À quoi sert l'existence des autres planètes autres que la Terre? Si on regarde simplement les planètes assujetties sur les noms « Mon vieux, tu me jettes sur une nouvelle piste », alors Mercure, Vénus, Terre, Mars, etc., tu me jettes, jette Jupiter sur Saturne, une nouvelle piste, Uranus, Neptune, Pluton. Si on regarde ces planètes, elles ont seulement une seule, puis il y a d'autres planètes avec qui existent, il y en a une qui est plus loin, puis bon, il y en a une qui est à l'antipode d'un autre, de la Terre. Lorsque ces planètes, elles existent simplement pour, premièrement, confirmer, c'est-à-dire concentrer. Bon, ça serait rentré dans des phénomènes extrêmement astrophysiques, disons simplement, brièvement, elle permet simplement de conserver suffisamment d'énergie autour de notre Soleil pour que la Terre puisse rester dans un orbital plus ou moins stable, et en même temps, ça permet de réfléchir énormément d'énergie de notre Soleil vers notre planète Terre, comme la Lune doit le faire. Et il y a une autre chose aussi, c'est que dans le monde de la mort, tout à l'heure, il y a une personne qui disait que la science avait découvert qu'un atome pouvait sans doute être un phénomène mémoriel extraordinaire. Bon, bien, tant mieux que la science le découvre, il est temps. Mais comme ça, quand on va dire que l'atmosphère, c'est la mémoire planétaire et c'est là qu'est le ciel, bon, on va lentement commencer à penser qu'on n'est peut-être pas si fou que ça. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des paliers différents dans le monde de la mort selon la correspondance énergétique, donc selon la vibration qui peut être mémorisée. Plus c'est dense, on appelle ça mal souvent, mais plus c'est dense, plus c'est proche de la planète Terre, et il y a des paliers différents. Il n'y a pas des séparations majeures, il y a des paliers quand même différents. Chaque planète ayant une constitution tellurique différente attire vers elle un palier mobile du monde de la mort, ce qui fait que si la table ici, c'est la planète Terre, ou disons que c'est mon fauteuil à planète Terre ici, eh bien, lorsque Mars est ici, tout l'astral qui est relié à Mars, un astral qui est plutôt belligérant, guerroyant, fait une ellipse vers Mars et revient. Un individu qui vient donc au monde à l'opposé de Mars, quand il va venir au monde, le phénomène réincarnationnel n'aura presque pas de mémoire martienne. Si Jupiter est là, par contre, le palier mobile de Jupiter étant étiré vers Jupiter, l'individu va être extrêmement assujetti au palier jupitérien. Or, ces planètes-là servent en même temps à régir la mobilité du monde de la mort pour permettre à l'individu d'être en plein dans ses bonnes planètes, puis à un moment donné, vu que les planètes ont une rotation particulière, d'être carrément déphasées, ce qui permet une gestion archangélique du phénomène au bas, et on s'amuse. Où est allé le corps physique du Nazaréen après sa résurrection? Lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a terrifié son corps physique, ce qu'on appelle la résurrection, en réalité, il n'a jamais été mort. Il a ressuscité le corps physique, hein, c'est différent. C'est ce que veut dire résurrection, d'ailleurs, là, ressusciter. Il était éthérique. Donc, étant éthérique, il a simplement mené avec lui, lorsqu'il est parti, il ne restait plus de corps physique. L'âme avait été rejetée dans le plan moronciel, temporairement, et lorsque le Christ a quitté le Nazaréen sur la croix, eh bien, il restait un Jésus, puis c'est là que Jésus a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bon, c'est pas le Christ qui dit ça. Rien des grandes questions ici. La vibration de mépris envoyée contre nous, nous font-elles souffrir parce que nous les acceptons même inconsciemment? Non. Les vibrations de mépris qui sont envoyées contre nous, la vibration elle-même, c'est une chose qui s'en va, bon, qui marche, soit par le système atomique, on respire l'air d'une personne qui nous déteste, soit simplement dans le monde astral, donc dans le monde de la mort, étant donné qu'on est relié au même égrégore religieux. C'est très, très, très difficile pour un bouddhique d'haïr un chrétien en le nuisant. Il faudra qu'il l'haïsse dans l'événement. Mais parce que s'il prie contre lui, ça marche pas, parce que ce qu'il prie, lui, va dans l'égrégore bouddhique, l'autre va dans l'égrégore catholique romain, ce qui fait qu'il n'y a pas de... Même si c'est une guerre entre les dieux, il n'y a pas de correspondance au niveau des deux personnages. L'onde de mépris est envoyée au niveau du plan astral, et quand ça vient frapper le périsprit de l'âme de l'individu qui va se faire charrier, et elle vient incrustrer dans son périsprit un mouvement qui induit dans les mémoires volatiles de l'âme la correspondance, et ça vient nécessairement créer de l'expérience au niveau de l'ego. L'individu est simplement trop sensible, et là, elle n'est pas assez épaisse. On l'a déjà vu, plus on est épais, mieux c'est, parce qu'on est moins manipulable. C'est d'ailleurs la définition même d'être épais. Lorsque c'était eux hypocrites, mais ils ne sont pas hypocrites, mais ils marchent comme ça, me vide de mes énergies joyeuses et bienfaisantes. Comment agir pour se libérer de ces effets destructeurs? On doit obligatoirement finir par bien cellulariser que ce qui s'exprime dans notre corps physique, ce n'est pas nous. Ce qui s'exprime dans notre système psychologique, ce n'est pas nous. Lorsque l'on vient pour dormir et qu'on ne peut pas parce que ça pense dans notre tête, on devrait bien constater que ce n'est pas nous qui pensons. L'homme pense qu'il pense. Lorsque je suis anxieux et je m'observe et je me dis « j'ai aucune raison d'être anxieux », faudrait-je en conclure, je ne suis pas anxieux. Et là, on va dire « oui, mais crime, je suis là, puis je tremble, puis mon cœur s'en va ». Oui, oui, ton corps exprime de l'anxiété. Mais est-ce que ça veut dire que tu es anxieux? Pas nécessairement. Les manipulations extérieures viennent manipuler le corps physique, le corps vital, le corps astral de l'homme. Et pas l'homme. Pas la femme, pas l'être. L'animal, oui, pas l'être. Alors, à un moment donné, si le corps est carrément parti, ben c'est le corps qui est parti, c'est tout. C'est pas l'homme. Parce que l'humain s'identifie intimement. Dans le simulaire, je pose une question souvent qui est simplement celle-ci. Est-ce que tu fumes? Oui. Trouves-tu intelligent de fumer? Non. Es-tu intelligent? Là, souvent, l'individu me répond « oui ». Et je réponds « t'as raison ». Si tu es capable de voir que ce que tu fais n'est pas intelligent, c'est que tu es intelligent. Sinon, comment voudrais-tu le voir? Par contre, tu es manipulé. Et là, cesse donc de t'associer à ce que tu exprimes. C'est évident que l'être humain est responsable. Il n'est pas coupable, mais il est responsable, il paye pour. Eh oui, c'est comme ça. Alors, plus vite on va être capable de se désassujettir des manipulations au minimum extérieur, finalement, météorologique, hein, quand il pleut, on se met à chialer. La température est notre maître. Bon, c'est simple. On manque l'autobus, bien on chiale. L'autobus est notre maître. Et puis là, on veut évoluer. On évolue aussi, on sécrète. Bon. Lorsque l'être humain est capable de discerner, il donne un coup de pied, là, lisse, on lui manquait l'autobus. Après ça, il part à rire parce qu'il se voit faire, c'est niaiseux. Mais voilà, vous êtes deux maintenant. Il y a tout ce qui reste qui vous assujettit à l'évolution de l'animal humain, puis maintenant, il y a quelque chose de neuf qui vient de naître chez vous, qui est la vie, qui est l'intelligence, qui est l'esprit, appelez ça comme vous voudrez, mais une chose certaine, c'est que celle-là, elle peut s'amuser d'évoluer. Alors, à un moment donné, on se regarde, on part à rire. Ça, ce qui s'exprime chez vous n'est pas ce qui observe n'est pas ce qui s'exprime. Je vois que j'ai peur. Ai-je peur? Ben oui, c'est évident, j'ai peur, regarde-moi mon shaker. Ça n'a rien à voir. Ton corps exprime la peur, mais as-tu peur? Non, moi j'ai pas pantoute. Ben effectivement, ça se peut que tu n'aies pas peur pantoute, mais étant donné que ton mental parle dans un micro pendant que ton astral parle dans un autre micro, puis les deux ils se communiquent par le même haut-parleur, nécessairement tu que tu peur. Parce qu'il y en a un qui dit oui, puis l'autre qui dit non, mais les deux mis ensemble, ça fait peut-être. Bon. C'est simple. Mais on doit cesser de s'identifier à tout ce qui est exprimé chez soi. Je sais que c'est fâcheux. Je viens pour me coucher, j'arrive pas à dormir. Là, j'ai beau me dire, bon, mais c'est pas moi qui peux pas dormir, c'est un fait. Mais moi, j'aimerais bien dormir pareil. C'est un fait. Sauf que de se lever et de dire, maudit, qu'est-ce que j'ai? Non. C'est pour ça que, bon, pourquoi je donne un séminaire? C'est que les gens, pour ça, quand ils se lèvent, ben, ils savent ce qui se passe. Ils peuvent au moins commencer à travailler là-dessus. Lorsque l'individu s'identifie totalement à ce qu'il exprime, il se fait avoir de A à Z, ce n'est pas lui qui exprime cela. Je sais pas pourquoi je me suis mis en colère de même. Maudit, faudrait que je me contrôle. Tu t'es pas mis en colère de même. Ta conscience, on l'a ôtée. Puis là, on est venu habiter ton corps. Puis là, on a fait toute la colère qu'il fallait faire. Ça s'écrète, c'est au bout. Puis après ça, on se retire. Puis toi, tu reviens, tu vois les résultats. Puis là, tu dis, maudit, je me suis encore emporté. C'est pas laissé, c'est pas emporté. On dit, je me suis laissé emporter, c'est plus juste. On paye pour! Hein, ça va de soi, mais pour commencer à s'en sortir, il faut au minimum cesser de se culpabiliser avec ça. Donc, au minimum, constater que si je le vois, c'est pas moi. Auriez-vous frappé votre femme volontairement, là, tu sais, volontairement, là? Non. Pourquoi l'avez-vous frappé? Ah ben là, j'étais emporté, j'étais perdu, et voilà. Tu ne l'as pas frappé. Maintenant, ce qui l'a frappé habite ton corps. Alors, on va frapper ton corps pour qu'il le sache. Je suis désolé, toi qui ne l'as pas frappé, tu habites le même corps. Alors, quand on va frapper ton corps, on risque de te frapper aussi. Quand on met un meurtrier en prison, on met le corps physique plus ce qu'il habite en prison. Puis ce qui est beau et correct qu'il l'habite, bien, il est dans le même corps, fait qu'il s'en va aussi en prison. Alors, le gars est en prison, puis il ne sait pas pourquoi il est là. Il est peut-être bien pacifique, mais il est possédé par quelque chose qui, à un moment donné, peut surgir. Lorsque l'individu souffre de l'angoisse, c'est le même phénomène. Et comment faire pour l'éliminer? Au minimum, commencer par se dissocier de ce que nous exprimons. Laissez-vous donc transpirer, laissez-vous donc rougir, laissez-vous donc shaker. Ça dérange quoi? Vous venez pour parler en public, puis là, vous transpirez au coton, vous avez mis deux boîtes de Kleenex en dessous de vos bras pour passer ça à travers la chemise. Puis là, vous montez, puis là, vous, là. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dis que le bouddhique est amour et le bouddhique manipule le supramental à être supramental. Non. Le bouddhique est la seule chose qui peut donner du cœur à l'intelligence. Il le manipulera d'une façon à amener un respect. L'énergie supramentale est écologique. L'écologie n'a pas de respect. Là où un chevreuil broute, l'herbe est broutée. Comment l'amour peut-il induire une intelligence sans amour? C'est extrêmement simple, très, très, très simple. L'amour ne l'induit pas, il le contrôle. L'amour est souvent sans intelligence. Mais l'intelligence peut être aussi sans amour. L'amour est-il aussi capable de manque d'amour? Quand on parle d'amour intelligent, non, jamais. La semaine prochaine, on parle de coalition mentale versus religion. On peut peut-être parler de quelque chose qui lentement est en train de naître au Québec sur système de religion mentale. Enfin, on va s'amuser, on va revenir. En attendant, on ne se prend pas au sérieux. Comme je disais l'autre fois, manger la neige, buvez de l'eau. Bonne semaine.